et progressivement, le filet d'air devient de plus en plus mince. Et ta respiration de plus en plus lente. Et encore une fois, si pendant la méditation, tu es perturbé par des pensées, des bruits ou des sensations physiques, c'est tout à fait normal et c'est pas grave du tout. Quand tu t'en rends compte, ramène simplement ton attention à la sensation de l'air frais qui entre et l'air chaud qui ressort de tes narines. De Gandhi à Bouddha, en passant par Churchill, tous les grands penseurs l'ont dit, on devient ce que l'on pense. Et pour avoir les bonnes pensées, il faut ressentir ici et maintenant les bonnes émotions sous-jacentes. On va s'entraîner maintenant à essayer de ressentir certaines émotions positives ici et maintenant, afin non seulement de se sentir bien, mais encore de manifester des bonnes choses dans nos vies. Pense à un moment de ta vie où tu t'es senti fier de toi. Un moment où tu avais peut-être la sensation d'un travail bien fait. Et essaye de te rappeler les sensations physiques que tu éprouves quand tu ressens ce sentiment de fierté. Et ici et maintenant, comme si tu venais d'accomplir quelque chose dont tu es fier, à chaque inspiration, essaye d'appeler en toi ces sensations physiques qui accompagnent le sentiment de fierté. Essaye maintenant de penser à un moment de ta vie où tu t'es senti en sécurité, où tu ne ressentais pas la peur de manquer. peut-être un moment où tu venais de toucher ta paye et où, par exemple, tu n'avais pas peur de manquer d'argent. Essaye de te rappeler d'un de ces moments afin de te souvenir de la sensation physique qui accompagne cette émotion et ce sentiment de sécurité. Et ici et maintenant, à chaque inspiration, essaye d'appeler en toi ces sensations physiques qui accompagnent ce sentiment de sécurité. Enfin, essaye de te rappeler un moment de ta vie où tu as ressenti une joie immense, peut-être même une joie que tu pourrais appeler de l'extase, un grand moment de bonheur. Et essaye de te rappeler des sensations physiques que tu ressentais dans ton corps pendant un tel moment de grand bonheur. Et ici et maintenant, à chaque inspiration, essaye d'appeler en toi ces sensations physiques qui accompagnent ces moments d'extase ou de grand bonheur. encore une fois, avant de terminer la méditation, essaye de ressentir ton humeur du moment comme si tu inspectais tes émotions de l'extérieur. Et en te rappelant cette méditation et connectant à ta respiration, essaye de garder le plus longtemps possible après la méditation la sensation de bien-être que tu as pu ressentir pendant cet exercice. Et n'oublie pas que le secret pour vivre une vie heureuse et manifester ses désirs est toujours de se sentir bien ici et maintenant, et que pour ce faire, on peut rediriger ses émotions vers du contenu positif, comme on l'a fait pendant cet exercice. Et quand tu seras prêt, tu pourras progressivement sortir de la méditation et doucement prendre conscience de tout ce qui t'entoure, tel que le poids de tes vêtements sur ton corps, les bruits ambiants, et bien sûr toutes les couleurs autour de toi. J'espère que cette méditation t'a été agréable et qu'elle te sera bénéfique. À bientôt.